Au fond des Carpates, deux ombres s'ébattent la nuit, sans bruit. L'une d'elles soupire dans un doux délire quand sonne minuit, sonne minuit, sonne minuit. Rends-moi fou de désir, vampire. Rends-moi fou de désir par tes baisers brûlants qui me saignent ta blanc. Verse-moi l'élixir, vampire. Verse-moi l'élixir d'une vie sans fin, chaque soir au matin. Calice du sang meurtri, tandis qu'il entraîne dans son noir domaine d'un mort qui vit, un mort qui vit, un mort qui vit. Rends-moi fou de désir, vent. Fou de désir par tes baisers brûlants qui me saignent ta blanc. Je me meurs de plaisir, vampire. Je me meurs de plaisir quand tu plonges tes dents dans mon cou jusqu'au sang.